avec au centre une cheminée de fer, si bourrée de houille incandescente que des morceaux déboulaient sur la terre battue du sol. Comme les Maheu arrivaient, des rires éclataient. Ce matin-là, on plaisantait la Mouquette, une herscheuse de 18 ans, bonne fille dont la gorge et le derrière énorme crevaient la veste et la culotte. Elle habitait Réquillard avec son père, le vieux Mouc, palefrenier, et Mouquet, son frère, moulineur. Seulement, les heures de travail n'étant pas les mêmes, elle se rendait seule à la fosse. Et au milieu des blés en été, contre un mur en hiver, elle se donnait du plaisir, en compagnie de son amoureux de la semaine. Toute la mine y passait, une vraie tournée de camarades, sans autre conséquence. Mais la gaieté tomba, Mouquette racontait à Maheu que Fleurance, la grande Fleurance, ne viendrait plus. On l'a trouvée hier, raide sur son lit. Les uns disent d'un décrochement du cœur, les autres d'un litre de genièvre bu trop vite. Encore de la malchance. Et comment je fais, moi, avec une herscheuse en moins? S'il n'y a plus que Catherine pour rouler, elle a besoin de souffrir. Mais tiens, mais... Et cet homme qui cherchait de l'ouvrage? Justement, Dansard passait devant la baraque. Maheu lui demanda l'autorisation d'embaucher l'homme. Dansard permit, mais en se réservant de faire ratifier sa décision par M. Négrel, l'ingénieur. Ah ben, il est loin, l'homme. S'il court toujours... Non, je l'ai vu s'arrêter aux chaudières. Pardon, feignant. Étienne, dans le bâtiment en chaudière, causait en effet avec le chauffeur qui chargeait les foyers de charbon. Il se décidait à partir lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. Venez, il y a quelque chose pour vous. Merci, merci. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en quatre paroles. 30 sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Maheu lui conseilla de garder ses souliers et il lui prêta une vieille barrette. Un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne, précaution que le père et les enfants dédaignaient. Au guichet, chaque ouvrier prit sa lampe, poinçonnée à son chiffre. Puis il l'examina, la ferma lui-même, pendant que le marqueur, assis à une table, inscrivait sur le registre l'heure de la descente. La cage les attendait, d'aplomb sur les verrous. Maheu, Zachary, Levaque, Catherine s'y glissèrent, et comme il devait y être cinq, Étienne y entra à son tour. Enfin, une secousse les branla, et tout son bras. Et nous voilà partis. Étienne éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, au milieu de la fuite tournoyante des charpentes. Puis, tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations. Le puits a 4 mètres de diamètre. Et puis là, j'aurais bien besoin d'être refait, car l'eau filtre de tous côtés. Et attendez. Nous arrivons au niveau. Vous entendez ? Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. C'est le premier accrochage. Nous sommes à 320 mètres. Trois autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. Lorsque la cage, enfin, s'arrêta au fond, à 554 mètres, Étienne s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste une minute. Par ici, nous avons à faire 2 bons kilomètres. À mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention devant lui les moindres gestes de Maheu. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'était les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb. À droite, la veine Guillaume. C'est ici que se trouve notre taille. Tout d'un coup,